بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما معنى الرياضة؟ البدن Comment on dit lourdeur Fiqal. Même un alfah. Un analyse. Comment on dit le fait de se relever Un nuhud. Nuhud. Ma huwa al-aks min marid Salim. الأسئلة. يقول ماذا لاحظ سليمان أن زميله إسماعيل لا يقوم من السرير ماذا قال اسم سليمان لإسماعيل هل هو مريض هل نام إسماعيل متأخرا لا بما شعر إسماعيل؟ يشعر بالتعب. كيف عرف إسماعيل أنه سليم؟ بعد الفحص الطبي. مما يشكو إسماعيل؟ يشكو من ثقال جسمه. لماذا لا يستطيع إسماعيل التحرك؟ لأنه لا يمارس الرياضة. ثم قلنا ثامن. السابع. أيوة من الفراغات في الجملة الآتية. تفضل. الرياضة مفيدة لصحة الإنسان. نعم. ترجم. Le sport est important, on peut dire, utile pour la santé de l'homme. نعم. نمارس الرياضة لكي صحتنا. لا. Pour notre santé, non? لكي. C'est fier. C'est dire pour, non? Pour dans un verbe qui vient derrière. Ah. Pour لكي. المعنى صحيح ثالثا عدم ممارسة الرياضة سبب في التعب نعم ترجم le fait de ne pas faire d'activité sportive est une cause de fatigue نعم إذا تركت ممارسة الرياضة جسمك تستريح. جسمك تستريح. Si tu te laisses. C'est contraire à ce que ils veulent. Ouais, moi je voulais dire. Je voulais pas faire de tarsou avec. C'est quoi? Celui qui te laisse l'activité sportive, son corps va se reposer. Le dernier. Inna marida. يشكو دائما الى جو جو كوا جي با كومبري سو بلان دو ايوا لماذا ان المريض يشكو دائما بثقل جسمي بثقل جسمي نعم شو تشافي لو ثامن استعمل الكلمات في جمله مفيده جسمي ثقال اليوم ما استطيع ايوه شو جسمي ثقيل اليوم ما في ثقيل هنا Poste à Thaqil. Ah, Thiqal. Thiqal, c'est pas Thaqil. Ah ouais, je me suis trompé. Jismi. Bah, Thiqal, c'est dit ou pas? Le Fijismi, Thiqal. Fijismi, Thiqal, Lyon. Fijismi, Thiqal, Lyon. Ma astadiyan, at-taharruk. Alors, mon corps est lourd aujourd'hui, j'ai de la lourdeur dans mon corps. Je peux pas bouger. Si t'as voulu le taharruk du truc là, c'est pas bon parce que là il est marfou. La statia taharruka, ça va être un marfou le B dans ta phrase. La statia at taharruk. Ah ouais, taharruka. Ah. Là il est marfou avec taharruku. Moi j'ai mis taharruk, je pensais pas que c'était en dessous. Bah, c'est pas grave, je vais en faire un autre. Al taharruk sab. Indama. عندما أكون مريض. نعم. سويت يبدو لي أنك عندك شو بس تزدي أنك عندك تزدي. أن عندك. يبدو لي أن عندك جسم سليم. جسم سليم. cause du أن كي devant عندك. أوكي بقى يبدو لي عندك c'est possible ça. Yabdouli, il faut un N derrière. Yabdouli, il y a un salim. Il y a un N. Moi, j'ai mis Jismoun. Il n'y a pas Jism là-dedans ? Jism, il n'est pas dedans. Yabdouli, il y a un salim. Ouais. Il m'apparaît que tu es en bonne santé. Fahasali. فحص لي الطبيب الطبيب هو أخبرني كتب فحصني منون أي أنا il m'a ausculté c'est du fahasa fahasa li c'est à dire il a ausculté pour moi فحصني طبيب وأخبرني أن فيه علاقة بين عدم الرياضة والتعب الذي أشعر سويت الرياضة أمر مستحب نعم سويت ينهو ينهض محمد بسرعة نعم واصل في الدرس الثاني وعشرين الدوزيام لوفو مازلنا في الرياضة البدنية طيب أجاد يجيد معنى أحسن بيان فير اون شوز الجري سي لا كورس السباحة سي لا ناج لا ناتاسيون لعب C'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course, c'est quoi courir la course Kassel, c'est la paresse. Sihatun, c'est la santé. Tadarraja et tadarraju, c'est faire une chose par étape. Au fur et à mesure, par échelon. Al-Khafif, c'est léger. Al-Khafifa, c'est son moins de neuf. Zid, tu le tazi min al. Non, c'est bon. Non, c'est bon. T'inquiète. Ah, je pensais qu'il y avait une coupure. Zid, je suis à l'heure. للأعلى هكذا لا هكذا هكذا أيوة هذا مصر Vas-y, tu viens. Al-Ab, c'est le pluriel de l'Aïb. Nasiha, ma'rouf. Anifa, c'est Anif, ma'na intensif. طيب الحوار ستقرأ إسماعيل وأنا سأقرأ سليمان وأقرأ المقدمة بعد أن ساعد سليمان إسماعيل على النهوض من سريره نهض فاستأنف الحوار après que سليمان ait aidé إسماعيل à se relever de son lit il s'est relevé et ils ont repris la discussion قلت لي يا سليمان إن سبب ما أشعر به من كسل هو عدم وعدم ممارسة الرياضة. Donc Ismaël dit, tu m'as dit au Suleiman que la cause dont je ressens cette paresse, c'est le fait que je ne pratique pas l'activité sportive. قال نعم يا إسماعيل فعلاج حالتك يكون بممارسة الرياضة. Dit oui au Ismaël, car le remède à ta situation, c'est que tu pratiques de l'exercice. ولكني لا أجيد الألعاب لا أجيد الألعاب الرياض الرياضية. Dit cependant moi je ne maîtrise pas bien faire les choses sans maîtriser les jeux sportifs ni le sport. لا تهتم فالنشاط الرياضي أنواع كثيرة فالجري. Donc il a dit dans le sens que c'est pas important que la forme sportive est de différentes formes. Faljari riyada, la course du sport. Wasibaha riyada, la natation c'est du sport. Wallaib al-kura riyada, le football c'est du sport. Walmashi riyada, la marche c'est du sport. Fa maris ma yunasibuka wa ma tastati'. Donc pratique ce qui te convient, ce que tu peux. وهل سيزول عني الخمول والتعب الذي أشعر به؟ Donc il dit est-ce que ça va partir, c'est-à-dire zal yazulu, c'est disparaître. Le khumul, c'est yani on a dans le sens de siqal, la lourdeur ou la. Donc est-ce que ça va faire partie, on va dire, cette lourdeur, cette fatigue que je ressens? قال نعم فالفحص الطبي أكد سلامة جسمك والصحة فلا علاج لكسلك إلا الرياضة. Il a dit oui, car l'analyse médicale a confirmé la bonne santé de ton corps. On dirait comme ça que ton corps est serein, ton corps est sain et en bonne santé. Il n'y a de remède à ta paresse si ce n'est le sport. سأبدأ ممارسة ممارسة ممارسة الرياضة العنيفة من اليوم. Je vais commencer la pratique du sport intensive à partir d'aujourd'hui. قال لا يا سليمان ابدأ بالرياضة الخفيفة ثم تدرج إلى الممارسة الرياضة العنيفة. Il dit non au Suleiman, commence par du sport de façon légère. Puis, au fur et à mesure, par étapes, tu pratiqueras de façon intensive. Je vais appliquer ton conseil, Inch'Allah. Naam. Tayyib. Lilrad, al-As'ila. Yaqul. Kayfa yumkinu ilaj Ismail. Comment doit être le remède pour Ismail de se soigner? ثانيا هل يجيد إسماعيل نوعا من أنواع الرياضة؟ Est-ce que إسماعيل maîtrise un genre parmi les genres de sport؟ ماذا تعرف من أنواع الرياضة؟ Qu'est-ce que tu connais parmi les formes de sport؟ بأي نوع من أنواع الرياضة سيبدأ إسماعيل؟ Par quelle forme de sport est-ce que إسماعيل va commencer؟ هل سيزول ما بإسماعيل من كسل إذا مارس الرياضة؟ Est-ce que ce que إسماعيل a comme paresse va disparaître avec la pratique du sport؟ ماذا تفيد الرياضة؟ Qu'est-ce que le sport apporte؟ متى سيبدا اسماعيل الرياضه؟ قد اسك اسماعيل a commencé le sport. ما الالعاب التي تفضلها؟ Quels sont les sports, enfin, déjà, les jeux sportifs que tu préfères? طيب الذي بعده املاء الفراغات, remplir les trous. عندنا يزول يعني disparaître, نصيحه معروف, يجيد le fait de maîtriser, يناسبه lui convient, يهتم يعني donner l'importance à une chose, اكد confirmer, الالعاب les jeux. الجمله الاولى قال له الطبيب انه سليم الجسم. Qu'il était, son corps était serein. بممارسه الرياضه المرض, par rapport du sport la maladie. يزول يزول, maladie disparaît. سمع الابن الطبيب وعمل بها, que le fils a entendu du médecin et il l'a pratiqué. نعم. نزل الولد الى الماء وهو لا السباحه فغرق. Que l'enfant est descendu dans l'eau alors qu'il ne la natation, il s'est noyé. Le gide. Celui qui ne la santé de son corps tombe malade. Non. Une importance. Prendre soin, s'occuper. C'est plutôt ça, s'occuper de. كل إنسان نوع من أنواع الرياضة. Chaque personne, un genre parmi les genres de sport. Il y en a si beau. نعم, du combien. كرة القدم نوع من أنواع المفضلة. Le football est un genre parmi les genres préférés. الألعاب. نعم, les jeux. Le football, c'est vraiment une grosse fitna pour les gens. Le football, c'est interroute pour beaucoup de personnes. Voilà l'ASF. Ce petit bout de cuir rempli d'air est interroute pour beaucoup de gens qui lui vouent leur vie. Qu'ils y jouent ou pas, même avec le suivi des matchs, des joueurs, des clubs, des pays, tu les vois, ils sont épris. C'est Naibad. والله المستعان. الرابع سيكون في البيت. تمبير لي ترو بار لي مو كي كوريسبوند. هذا يكون من عندك. يقول لا تهتم كثيرا, ne t'occupe pas beaucoup, à toi de trouver ce qui va. علاج أخيك يحتاج إلى, le remède de ton frère a besoin de. زال ما بإسماعيل, qui a disparu ce qu'Ismaïl avait de. هكذا. خامسا الفحص الطبي, l'analyse médicale. Après de trouver la suite. سادسا بدأ يمارس الرياضة. Il a commencé à pratiquer le sport. مرابيا شيزون, je ne sais pas pourquoi ils ont changé l'ordre. الرياضة مفيدة, le sport est utile. نصيحة الكبار, le conseil des grands. Quand on revient en arrière, on va faire le ثالث. نريد entre parenthèses رياضة عنيفة, sport intensif. أصبح الجملة سأبدأ ممارسة الرياضة العنيفة من اليوم. Je vais commencer la pratique du sport intensif à compter d'aujourd'hui. Après نفس الشيء مع الذي تحته. Zira'a Haditha. Zira'a, c'est de cultiver. Haditha, c'est nouvelle. Sa'abdaou Moumarasata Zira'a Al-Haditha Tumna Lyon. Non. Jariyun Tawil. Jari, c'est court, c'est Tawil, bah, c'est long. سأبدأ ممارسة الجري الجري الطويل لا لا الطويل من اليوم. Il veut dire par l'endurance. قيام مبكر. سأبدأ ممارسة القيام المبكر المبكر من اليوم. نعم. Ça se lève tôt. رياضة خفيفة. سأبدأ ممارسة ممارسة الرياضة لا ممارسة نعم الرياضة تا لا تو لا y a plus que ça pourquoi لا je sais pas pourquoi هذا سهل ممارسة هو سيني دفق أيوة سهل مضاف إليه صحيح. ممارسة الرياضة. Parce que ils ont mis un piège en fait. Ah, ouais. Ton, je vais t'en dire en Europe, voir si t'es. Pourquoi t'as le car là-bas? Ah? Ça a coupé? Ouais, c'est pas étonnant. Hein? C'est pas étonnant. Ouais, non, il faut quoi? Allez, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Oui? Ça a fait un الرياضة الخفيفة من اليوم. أحسن. والغد نزيد السابع. رتب الجمل التالية ترتيبا زمنيا صحيحا. نقرأها. استيقظ السالمون من نومه مبكرا. سليم سي لوفي تو. ثم رجع إلى بيته نشيطا مسرورا. Après il est revenu en forme à sa maison et content. وصلى الفجر في مسجد ثم. Il a fait le salat al-fajr au masjid ensuite. خرج للطريق. Il est sorti dans la rue, sur le chemin. بعدها يمشي. Il a commencé à marcher. وصار يجري. Il s'est mis à courir. وبعد أن جرى مسافة طويلة. Et après qu'il ait couru une longue distance. Voilà. على اللي غاد كذا. هاي لو ناوي الحمد لله رب العالمين.